Mais ah, pour commencer la salah, on fait le takbir en direction de la qibla, et puis si quelques directions que prennent la monture, eh bien ça devient notre direction. D'accord. Ma question, est-ce qu'on est obligé de, au début de la nafila, de prendre la direction de la qibla? On avait parlé de ça, on a parlé de la parole de l'imam Ahmed. On avait dit que pour le voyageur, quand il devait demander au résident pour trouver la qibla. Vous vous souvenez de ça, hein? Maintenant, on parle de nafila. C'est le voyageur doit demander au résident ou c'est le résident qui doit demander au résident? Avant que je dise une bêtise. Hein? Le voyageur ici, maintenant, il trouve personne à qui demander. Vous voyez que c'est important, ce que je dis toujours, c'est que, et ça on revient à la sincérité, si on veut vraiment apprendre, pour retenir et pour pratiquer, y a un travail à faire, ça, il n'y a pas de secret. Si maintenant on veut juste mentir à nous-mêmes et assister au cours, écouter et sentir bien, ça c'est autre chose. D'accord ? Donc les frères, il faut vraiment faire attention à ça, c'est des ahkam shara'iyya qu'on a besoin dans notre vie tous les jours. D'accord ? Hein ? Je suscite un intérêt, il y a des questions à laquelle je n'ai pas répondu maintenant, c'est pour susciter un intérêt, pour que vous retourniez. On a un site internet, les cours sont enregistrés. Il y a le livre de Cheikh Bezmoulk pour les frères arabophones. C'est des notions à maîtriser. Ça. Chacun d'entre nous doit maîtriser ces notions-là. Hein? Ça touche à la prière, ça touche au deuxième pilier de l'islam. Hein? D'accord? Donc, si nous, on veut vraiment apprendre pour apprendre, c'est-à-dire pour pouvoir pratiquer cela, on doit être capable, être à même de nous en rappeler. Hein? Je vous avais rapporté la méthodologie de... Je ne parle même pas de ça, mais ça, c'est à titre d'exemple. Ça, c'est à ce qu'on aspire, qu'Allah fasse qu'on on arrive à ce degré-là. C'est le Hafil Hakami, rahimahullah. Comment il faisait pour étudier, vous vous souvenez, hein? Il est mort à 35 ans, hein? Vous vous souvenez de son histoire? Hafil Hakami, rahimahullah. C'était un grand savant. Il est mort à 35 ans. Il a écrit des livres dans le fiqh, dans Usul Fiqh, dans le hadith, dans l'aqidah, le fameux poème de Sulam al-Wusul, hein? Dans l'aqidah, le tawhid. Je vous avais dit que qu'est-ce qu'il faisait pour préparer son cours? Bien, c'est qu'il préparait le cours avant d'aller chez son cheikh qui était qui? Al-Imam Al-Qara'awi, rahimahullah. Hein? Qui a revivifié la da'wa salafia dans le sud de l'Arabie Saoudite et qui fait partie des chiurs de Cheikh Ahmed Najmi également. D'accord? D'ailleurs, Cheikh Najmi et Cheikh Hafil Hakami, ils étudient ensemble. Et si vous vous souvenez de l'histoire par rapport au Coran, c'est que Cheikh Najmi, rahimahullah, il mémorisait un hizb du Coran par jour. Et il disait, c'est-à-dire un 60e du Coran par jour. C'est-à-dire qu'il a fini le Coran 2 mois. D'accord? Et le Hafil Hakami faisait le double. C'est-à-dire qu'il a fini le Coran en 1 mois, 30 jours. Vous vous souvenez de ça, hein? On en avait parlé. D'accord? Mais le Hafil Hakami, rahimahullah, qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait son cours avant d'aller chez l'imam Al-Qara'awi, rahimahullah. Ça, c'est l'usloub du talib al-ilm. Exemple, maintenant, on sait que samedi soir, on a usul sita. Eh bien, on prépare, on lit la partie qu'on va faire aujourd'hui. Hein? D'accord? Je ne dis pas que les gens ne le font pas, mais c'est un rappel pour tout le monde. Hein. Après, qu'est-ce qui se passait avec l'imam Qara'awi, rahimahullah? Il avait son cours, en général c'était une dictée, l'imla. Et d'ailleurs, par rapport aux histoires qui ont été racontées de l'Hafil Hakami, c'est que Tuhfatul Atfal, qui est un des premiers, si vous voulez, Moutoun, mais en vérité c'est un poème, hein, qui sont étudiés dans la science du Tejwid, hein, qui à la base s'adresse aux enfants, eh bien, il l'a étudié en une jelsa, en une assise avec le shir. Le matn et le sharh, par cœur, en une assise. Ça, c'est pour montrer qu'Allah Azul avait donné une grande capacité de mémorisation. Hein? Et donc, il assistait au cours. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait après le cours? Il retournait à la maison et travaillait la matière. D'accord? Évidemment, quand on travaille la matière, qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions, etc. Hein? Il allait ensuite à la mektaba du shir. Hein? Et il débattait de la matière avec le shir. Il posait des questions, etc. Ça, c'est une des bonnes méthodes à appliquer. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui veut faire usul sita, par exemple, ici avec nous en arabe et en français, c'est de lire avant. Ici, ensemble, on le lit, on traduit, etc. Et après, c'est de revoir. C'est de revoir. S'il y a des questions, alhamdoulilah, Cheikh Rabi al-Jabiri, il est toujours en vie, qu'Allah le préserve. On peut toujours lui poser ces questions-là. Surtout que les frères partent bientôt à l'Amra, ils vont le voir. On peut leur donner une liste de questions qu'ils peuvent enregistrer pour nous, etc. Il y a des facilités. Hein? D'accord, on a le numéro du cheikh, etc. À la Kulihal, il faut vraiment que ces notions-là soient maîtrisées. C'est pour ça, dire quand j'ai répondu aussi au début, quand j'ai posé la question au début de où est-ce qu'on en est par rapport au sixième point, si on ne sait pas répondre, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on en est, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc on a dit quoi ici? Que la direction de la monture devient alors sa direction. C'est ce qu'il a dit, Cheikh Abou El-Jabiri, Hafidhahullah. Et il termine, et il dit, ce point-là, et ce jugement est un jugement bénéfique, c'est un fadl min Allah Azza wa Jal. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur vous, ô musulmans. Hein? Comprenez donc la religion d'Allah, connaissez donc la religion d'Allah. Septième point, السابع, قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الآية. هذا بيان شدة عداوات هاتين الطائفتين لن يرضوا عن مسلم أبدا حتى يتبع دينهم. وهنا في الحقيقة سؤال: هل المسلم أن يستفيد من اليهود والنصارى في الأمور الدنيوية؟ يجيب الشيخ فيقول: نعم يجوز، ولكن نكن لهم العداوة والبغضاء ونحذرهم، فإنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، وهذا بحول الله ومشيئته لن يكون، فاللهم ثبتنا على الحق والهدى واشرح صدورنا لذلك. لكن الأمور الدنيوية كتعلم بعض الصناعات وبعض العلوم الدنيوية والتعامل معهم كشراء الأسلحة والاستعانة بهم على غيرهم من الأعداء لمصلحة الإسلام وأهله قد دلت عليه السنة المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في الدين هم أعداؤنا. Septième point tiré de ce verset-là, la parole d'Allah Azza wa Jal dans la traduction du sens est: ni les Juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Hein? Jusqu'à la fin du verset. Sourate Al-Baqarah, verset 120. Cheikh Abou El-Jabiri nous dit ici: ceci est une mise en évidence de l'extrême inimitié vouée par ces deux groupes, à qui? Aux musulmans. Hein? Qui ne seront jamais satisfaits du musulman jusqu'à ce qu'ils suivent leur religion. Et il y a une question qui se pose ici: est-il permis aux musulmans de tirer des bénéfices dans des choses parmi les choses de ce bas monde, avec ces deux groupes? Cheikh répond à sa propre question et il dit: oui, c'est autorisé. Mais l'inimitié reste, et on reste sur nos gardes car ils ne seront jamais satisfaits de nous, jusqu'à nous suivions leur religion. Et ceci avec la volonté d'Allah et sa puissance, subhanahu wa ta'ala, eh bien cela n'arrivera jamais. Et Cheikh fait une dua et dit: oh Allah, affermis-nous sur la vérité et la guider, et ouvre nos poitrines, hein, à cela, c'est-à-dire à la vérité et à la guider. Ça vous rappelle pas un verset du Coran, ça? Le mot sharaha sadrahu. Non? Afaman sharaha sadrahu lil islam. Hein? Surat Zumar. En ce qui concerne les choses de ce bas monde, comme apprendre certains métiers et certaines sciences parmi les sciences de ce bas monde, et avoir des transactions comme l'achat d'armes et de demander leur aide contre un ennemi pour le bien de l'islam et des musulmans, ceci a été indiqué par de nombreux textes rapportés de manière authentique, hein, du prophète. On avait déjà expliqué ce que ça veut dire le tawatur. Hein, et pour les frères qui veulent plus de précision, dans Bulugh al-Maram, l'explication de Abdallah al-Bassam, il a fait une très grande introduction sur tout ce qui est mustalah. Et taqsim al-khabar, etc., entre mutawatir et ahad, etc. Pour les frères qui veulent les définitions, revenez aux livres comme le Bequniya, qui sont expliqués par Charles Uthaymin et par d'autres chouyours. Revenez aux livres, par exemple, comme Moussa al-Hadith, de Charles Uthaymin lui-même aussi. Hein? Cheikh dit: l'inimitié reste donc dans la religion. Et Cheikh continue en disant: هذا بعض ما تضمنته الآيات من أحكام وقد أسلفت أني أختار بعضها فهذه الأحكام لا يعيها إلا من فقه في دين الله عز وجل وأما أهل الضلال فإنهم لا يعون هذه الأحكام ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون العلم. بقيت فقرة أخيرة وهي ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من أن بعض الناس يصف أهل علم الشريعة بأوصاف شنيعة كالزندقة والإلحاد. شيخ الدي جدي ces versets, ou ce sont donc certains jugements que contiennent ces versets, et comme je l'ai déjà dit précédemment, je n'en ai choisi que quelques-uns. Ces jugements ne peuvent être compris que par celui qui a une connaissance de la religion. Tandis que les gens de l'égarement, Ahlul Dalal, ils ne comprennent pas ce genre de jugement et cachent, dissimulent la vérité par le faux. Et cachent, dissimulent la vérité par le faux et cachent la science. Il nous reste à traiter un point indiqué par Cheikh Mohammed bin Al-Wahhab rahimahullah dans son livre Usul Sitta. Concernant certaines personnes qui décrivent les savants, les gens de science de la religion, de manière atroce, en les traitant d'athéisme et d'incroyance. Zandaqa wal ilhad. D'ailleurs, le mot arabe pour athée, c'est mulhid. Cheikh Elijah dit, Aqoul, l'anna كنا نسمع قديما ونقرأ ضد السلفية وحملتها من أهل العلم والفقه من عبارة التجهيل مثل طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فإن نسمع اليوم عبارات تجهيلية من نمط جديد ضد علماء السلفية وحملت لواء أهل السنة والجماعة من علمائنا المعروفين بسلامة المعتقد والمنهج وسعة الفقه وسدد الرأي ومن تلك العبارات هؤلاء علماء شرع. Lakin la yafqahoun al-waqi'a. Ça, c'est sûrement une choubha que vous avez entendu, hein, que les gens de l'égarement disent, oui, mais ces savants-là, c'est les savants de la religion, ils ne connaissent pas hein, la réalité, ils ne connaissent pas la contextualité des choses maintenant. وَمِثْلْ لَيْسَ عِنْدَ هَؤُلَا الْعُلَمَا إِلَّا فِقْهُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. Donc, cher, qu'est-ce qu'il dit, حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَلَى, il dit, je dis, nous entendions enseignement et nous lisions des paroles contre la salafia et ses porteurs parmi les gens des sciences, comme par exemple, parce qu'évidemment, c'est quoi la première méthode que les gens utilisent pour attaquer la vérité? Mais c'est d'attaquer hein, les porteurs de la vérité. C'est-à-dire pour ça que les chiites, ils attaquent Sahaba. Et les ulama, ils disent « At-ta'nu fil naqil, ta'nu fil manqul. » C'est une règle, étudiez là cette règle. « At-ta'nu fil rawi, ta'nu fil marwi. » Le fait de hein, la critique du rapporteur, c'est la critique du rapporté. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ici, le cheikh Hafidhahullah Ta'ala? Il dit parmi les porteurs de l'étendard des gens de la Sunna et du consensus, parmi nos savants connus pour leur croyance sûre et leur méthodologie correcte, et leur grande science et compréhension et la justesse d'opinion, nous entendons contre eux des paroles d'un nouveau genre. Parmi elles, eh bien, ceux-là sont des savants de la religion. Pour eux, c'est une critique. Hein? Ceux-là sont des savants de la religion, mais ils ne comprennent pas al-waqi', la réalité des choses, la contextualité des choses, si vous voulez. Ou encore, ces savants-là ne sont que, hein, ils n'ont que la science des règles et des lochis. Les lochis, vous savez, c'est quoi? C'est hein, le sang qu'on peut appeler les coulées de sang post-natal, hein, après la naissance. La femme, elle passe par une période de lochis qu'on appelle an-nifas. D'accord? Donc, c'est-à-dire quoi hein? C'est une manière de quoi de dénigrer les savants. Ils connaissent que... Hein? C'est, bien sûr, c'est péjoratif. C'est plus que péjoratif. C'est, ils dénigrent les savants hein? Et diminuent leur valeur. Pourquoi? Pour éloigner les gens des savants. Ils disent quoi? Mais ces savants-là, ils connaissent que... Hein, n'est que la religion, que la sunna, que le fiqh, hein? Que les dalils. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde actuel. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et c'est comme ça qu'ils critiquent les gens de la sunna. Parce que selon eux, c'est eux qui comprennent la contextualité des choses. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils s'attachent à lire les magazines, et les, hein, des fois il y a des réunions, etc. Il n'y a aucun dalil, aucun hadith, aucun verset. C'est que hein, tel journal a dit, j'ai entendu telle chose, des informations politiques, des analyses politiques, etc. D'accord hein? Mais Cheikh Albani, rahimahullah, il a répondu d'une belle manière. Il a dit, mumkin, la na'lamu al-waqi' walakin na'lamu hukm hadha al-waqi'. Il a dit, peut-être qu'on ne connaît pas la réalité de la chose, mais on connaît le jugement de cette réalité. Hein? Parce que le savant, quand il lui donne une mas'ala, il y a une réalité qui lui est décrite, lui, il donne le hukm de ça. Hein? Avec le kitab wa sunna. Et vous voyez bien qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, hein, que c'est les savants qui ont raison. Et que c'est eux qui ne comprennent pas le waqi'. Parce qu'ils le voient, ils analysent, sont une analyse contraire à la méthodologie des gens de la sunna. Et Cheikh, il dit, et en parallèle à ce dénigrement de nos savants, nous entendons la propagation des livres et des novateurs. Regardez ce qu'il va dire le Cheikh. وَفِي مُقَابِلْ تَجْهِلْ أَئِمَّتِنَا وَعُلَمَائِنَا نَسْمَعُوا تَرْوِيجِ كُتُبِ الْمُبْتَدِعَةِ وَالثَّنَاءَ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ الضُّلَّالِ هَذِهِ مِنْ إِسْقَاطِ عُلَمَائِنَا يثنون على الظلال، يثنون على التراب والمودود والغزال، ويهونون من شأن علمائنا وأئمتنا. ومن ذلكم إلا وما ذلكم إلا لخبث طويتهم ومنهجهم الذي تلقوه من انتماءاتهم الفكرية المنحرفة. وإلا فكيف الثناء على التراب وهو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ Vous allez voir comme quoi le sectarisme il aveugle les gens des fois. Ils font l'éloge des gens comme Turabi, etc. Alors que Turabi il critique, il insulte le prophète, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, Turabi il est en prison jusqu'au jour d'aujourd'hui au Soudan. Cheikh il dit, et en parallèle à ce dénigrement de nos savants, nous entendons la propagation des livres et des novateurs et l'éloge fait concernant des innovateurs égarés. Ceci fait partie des méthodes utilisées pour faire tomber nos savants, nos guides. Ils font l'éloge de l'égarement, ils font l'éloge de At-Turabi, qui s'appelle Hassan, au nom complet, c'est Hassan At-Turabi. C'est parmi les têtes des Ikhwan Muslimin. Cheikh Mokbil, il faisait parmi les savants qui ont réfuté en détail sa méthodologie, qui ont montré ses erreurs, etc., le danger de cette personne-là. Et Al-Maududi, vous connaissez peut-être Al-Maududi, non? Quelle origine? Indiana. Et qui s'est attaché par rapport à la critique de sa méthodologie? Dans un livre très très connu, Cheikh Rabi', Manhaj al-Anbiya fi da'wa ila Allah. Et Al-Ghazali, vous connaissez aussi? Il y en a deux. Il y a l'ancien Al-Ghazali. Il y en a même peut-être trois, j'en connais pas trois. Sa fille, Zainab al-Ghazali. D'ailleurs, Zainab al-Ghazali, il y a une sœur qui l'a réfutée. Oum Abdillah Salafiya, si je me souviens bien. C'est une sœur algérienne, un talibat l'ilm, avec préface, elle a fait un livre préfacé par Cheikh Rabi'a. Elle s'est attachée à une critique des frères musulmans, et elle a consacré tout un chapitre à Zainab al-Ghazali, ou plusieurs chapitres. Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je ne me souviens plus très bien. Elle, parmi les histoires qu'elle a racontées, c'est que Zainab al-Ghazali, qui était la chef des sœurs chez le groupe des frères musulmans, elle faisait des rencontres la nuit avec des pseudo-mujahidines qui venaient la nuit. Et ils avaient des rencontres dans le bureau. Et le mari de Zainab al-Ghazali venait dire, oui, je vais me coucher, je vous laisse. Vous me réveillez pour le Fajr. D'accord. Et la sœur, elle fait une réfutation de ça. Elle dit, hal yaliqu bi ukht da'iya, d'être tout seul avec des hommes qui ne sont pas parmi le maharim la nuit pour soi-disant préparer des choses, la da'wa, etc. Très intéressant. Surtout quand ça vient de la part d'une sœur et d'une autre sœur. Ça donne une autre dimension aux choses. Et c'est un exemple à suivre pour nos sœurs, qu'elles trouvent un peu l'ilm, qu'elles apprennent un peu l'arabe et qu'elles s'attachent à défendre la sunna. Donc, est-ce qu'on... On s'est écarté un peu du sujet, j'aime pas trop en général, mais à la kulli hal. On a dit quoi? On a dit qu'ils font l'éloge d'At-Turabi, Al-Maududi, Al-Ghazali. Ils diminuent la valeur de nos savants et de nos guides. Et ce, qu'en raison de leur nature et de leur voix qu'ils ont prise de leur appartenance idéologique déviante. Sinon, comment pourrait-il faire l'éloge de Turabi? Écoutez bien ça. Alors qu'il insulte le prophète, il manque de respect au prophète. Et on va rapporter ça. Cheikh Abdel Jabir, il a rapporté comme il l'a dit, même en dialecte soudanais. À tel point que je n'ai même pas su lire, j'ai demandé à un frère soudanais de me traduire aujourd'hui en fosha, en arabe classique. D'accord. C'est notre frère Abu Abdillah, hafidahullah. D'accord. On va lire dans un instant, inshallah. Et il dit Turabi, je vous épargne le dialecte soudanais lu de ma part, donc on va directement lire le Fusha. As-sahaba kanu ya'rifuna anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui il a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, wallahu alam, 'indahu akthar min sifah, 'indahu sifah 'adiyah, ay annahu basharun 'adi, wa sifatun bi annahu nabiy yuha ilayhi. Lidhalika as-sahaba kanu yunaqishunahu wa yarduna 'alayhi, hal hadha al-kalam qultahu bi wasfika nabiy aw bi sifatika bashar 'adi. Je vous traduis ça. Hassan al-Turabi, qui est toujours vivant, il dit, les compagnons savaient que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait plus d'une caractéristique, plus d'un attribut. Il en avait une normale, c'est-à-dire qu'il était un être humain normal. Adi, Bashar Adi. Si vous voulez, en arabe, en soudanais, en dialecte soudanais, il a dit Basharun Sakit. Et il en avait une autre qu'il était prophète et qu'il recevait la révélation. C'est pour cela que les compagnons débattait avec lui et lui répondait, cette parole que tu as dite, tu l'as dite selon ta caractéristique de prophète ou ta caractéristique d'homme normal? Regardez, c'est Hassan Turabi que beaucoup de gens suivent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein? Et il dit également, hein, deuxième parole sur la mixité, en trouvant des excuses à son appel à la mixité entre les hommes et les femmes, il dit, je me suis fait traduire également, « La ana a'taqidu wahida min asbab adam tahr al-mujtama' ay intishar al-fasad fi al-mujtama' huwa adam jawaz al-ikhtilat wa hada al-khilaf lan yakuna khilaf fiqhi wa innama huwa khilaf fi mas'alatin ijtima'iyya. » Qu'est-ce qu'il dit? Pour les frères qui veulent la référence, hein, qui ils veulent être sûrs, c'est tiré d'une cassette qui s'appelle Muhadarat al-Turabi. Et il y a, en fait, c'est tiré d'une cassette qui s'appelle, qui a un rad en fait sur toutes les erreurs de Turabi, qui s'appelle As-Sarim al-Masloul ala Turabi Shatim al-Rasoul. As-Sarim al-Masloul ala Turabi Shatim al-Rasoul. Shatim, vous savez ce que ça veut dire Shatim, hein, du verbe Shatama, hein, insulter, critiquer, d'accord? C'est une réfutation qui a été faite, et cette parole de Turabi, hein, et le frère soudanais aujourd'hui, qui est notre frère Abu Abdillah, qui est fiqh chez nous, il m'a confirmé qu'il a entendu lui-même, il a entendu de sa propre, de la propre voix de Turabi. Et Cheikh Abel Jabiri, il est encore plus fiqh. Hein. Donc il nous rapporte ici, c'est tiré d'une cassette, d'une réfutation de Turabi, Sarim al-Masloul, ala Turabi, Shatim al-Rasoul. Hein. Et il font référence à une des cassettes audio de Turabi où il dit cette parole. D'accord. Donc, deuxième personne à qui il s'attache de réfuter ici, il dit « Am kayfa al-thana' ala al-mawdoudi ». Je ne vous ai pas traduit la parole sur la mixité. Vous allez voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit « En trouvant des excuses à son appel à la mixité entre les hommes et les femmes, je crois que l'une des raisons de l'impureté de cette société, je crois que l'une des raisons de l'impureté, Adam Tohr, il a dit, hein, de ces sociétés, c'est-à-dire que la perversité se répand dans la société, eh bien c'est l'interdiction de la mixité. Hein? Et cette divergence ne sera jamais une divergence de l'ordre du fiqh, mais ce n'est qu'une divergence à propos d'un sujet social. Hein? Deuxième parole ici qu'il cite le cheikh, il dit « Am kayfa al-thana' ala al-mawdoudi ». Al-mawdoudi, c'est une deuxième personne. « Wa qad qala an nabi sallallahu alayhi wa sallam » إن الله سبحانه وتعالى أمره في سورة النصر بأن يستغفر ربه مما صدر منه في أداء الفرائض أي فرائض نبوة عليه الصلاة والسلام من تقصيرات عليه من الله ما يستحق. كم est-ce qu'on peut dire, comment un musulman peut dire ça du prophète عليه الصلاة والسلام? Qu'est-ce que ça veut dire ici? On traduit ce passage de Al-Maududi. Cheikh Ali d'abord, et comment peut-il faire l'éloge de Al-Maududi? Donc ces gens-là qui critiquent les savants et qui répandent et propagent, hein, les cassettes et les livres de ces innovateurs, ben voilà qu'est-ce que ces innovateurs disent. Alhamdoulilah, je parlais avec le frère Abou Abdillah tout à l'heure, il me disait qu'il a fait nasiha à l'un d'entre eux, il était tellement choqué, alhamdoulilah, il a complètement délaissé Turabi, hein, et il a été chez leurs suiveurs, et il leur a dit, regardez qu'est-ce qu'il dit Turabi, il ne savait pas quoi répondre à les gens, ses suiveurs. Alhamdoulilah, lui, il les a délaissés, il était choqué. Hein? Comment peuvent-ils faire l'éloge d'Al-Maududi alors qu'il dit au sujet du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné dans surat al-Nasr, hein, vous voyez que subhanallah, la peau, rien qu'en les lisant, elle réagit par rapport à ce genre de paroles-là. Qu'Allah lui a ordonné dans surat al-Nasr qu'il demande pardon à son Seigneur pour les manquements qu'il a eu alayhi salatu wassalam quant à ses obligations, c'est-à-dire aux obligations de sa prophétie. Ça, c'est des gens qui sont suivis par beaucoup de gens, hier, quoi. Hein? Va le critiquer. Ça, ils n'ont pas de jalousie par rapport à cette parole-là. Par contre, critique le Maududi, tu vas voir. C'est ça le sectarisme. C'est ça le Hizbiya. Cheikh, il continue. Am kayfa al-thana'u 'ala al-Ghazali wa huwa yaqul mushidan bi'aqidat ar-rawafid al-imamiyya wa da'iyan ilayha. ولماذا لا تضع أمام الطلاب في الصفوف العليا أو الدنيا صورة صادقة للتفكير الإمامية في الأصول والفروع والسنن المختلفة وقال في موضع آخر je vais vous donner la référence de la parole de Maududi que j'ai dit avant aussi rappelez-moi inshallah وقال في موضع آخر إن المدى بين الشيعة والسنة كالمدى بين المذهب الفقهي لأبي حنيفة والمذهب الفقهي لمالك أو الشافعي ثم يختم الغزالي كلامه بقوله ونحن نرى الجميع سواء في نشدان الحقيقة وإن اختلفت الأساليب. Donc qu'est-ce qu'il dit le Ghazali? Cheikh Obeid il dit, et comment peuvent-ils faire l'éloge de Ghazali alors qu'il fait l'éloge de la croyance de Rawafid imamite? Vous savez, vous connaissez la croyance de Rawafid? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à Aïcha radiallahu anha? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la majorité des sahaba, ils sont pas musulmans pour eux, sauf certains. D'accord? Que la croyance de Rawafid imamite, et il y appelle. Il dit, pourquoi on ne donne pas aux élèves des classes âgées? Sauf l'ulia ou dunya, les classes plus âgées et moins âgées. Pourquoi on ne donne pas une vraie image à propos de la pensée imamite dans les fondements et les branches et les différentes sunan? C'est-à-dire qu'il appelle à ça, même dans les classes. Et il dit à un autre endroit, la distance entre le schisme et la sunna est comme la distance entre l'école juridique d'Abu Hanifa et l'école juridique de Malik ou Shafi'i. Al-Ghazali termine sa parole en disant, et nous voyons qu'ils sont tous les mêmes dans leur prétention à la vérité, même si les moyens utilisés diffèrent ou varient. En résumé, on est tous les mêmes, on doit travailler ensemble, on doit même appeler à Rafd. Je vous donne les références. Je répète toutes les références comme ça, vous les avez toutes. La première sur Turabi, c'est tiré d'une cassette qui s'appelle, ou d'un livre, As-Sarim al-Masloul, ala Turabi, Shatim al-Rasoul. Et ils font référence là à une cassette de Turabi, une cassette audio, d'accord? Deuxième sur le Maududi, c'est Da'wat al-Muslimin, fi Mizan al-Islam. La prêche des musulmans, si vous voulez, ou la Da'wat des musulmans, dans la balance de l'islam. Page 84. Du frère Farid Ahmed Al-Bayt. Farid Ahmed Al-Bayt. Troisième référence par rapport à Ghazali. Kitab Waqafat ma kitab li du'atin faqat lil akh Mohamed ibn Saif Al-Ijji. Mohamed ibn Saif Al-Ijji. Et c'est 65 jusqu'à 71. Pour les frères qui veulent le noter, ils peuvent prendre mon livre après le noter, Inch'Allah, en détail, d'accord? Alors, on continue, on termine, Inch'Allah. شيخ الديفا بعد هذا الغيض من الفيض ما تحتويه كتب هؤلاء الثلاثة أيصلح أن يوصف بأنهم أئمة مجتهدون ودعاة إلى الله فالحكم لك أيها القارئ الكريم فلعلك عرفت أن الثناء على هؤلاء وغيرهم من دعاة الضلال والانحراف وراءه ركوب الهوى وانتهاج البدعة وما أحسن ما قاله أبو عثمان النسابوري رحمه الله كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً. Retenez cette parole, c'est une parole souvent citée par les savants de la sunna. من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة ومن أمر على نفسه الهوى أو plutôt ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً فقد نطق بالبدعة. انتهى كلام النسابوري رحمه الله. شيخ الدي حفظه الله تعالى après avoir cité ce qui n'est qu'une goutte dans l'océan de ce qui contient, de ce que contiennent les livres de ces trois-là. On a dit quoi les trois? At-Turabi, Al-Maududi ou Al-Ghazali. Mérite-t-il donc d'être décrit comme des imams mujtahidoun et des prêcheurs qui appellent à Allah? Nous te laissons juger, cher lecteur. On va te laisser toi-même juger, cher lecteur, à la lumière de ce qu'on a vu. Peut-être as-tu compris que l'éloge fait sur ces gens et d'autres parmi les gens de la déviance et de l'égarement? Il y a derrière cet éloge un chevauchement de la passion et une prise de l'innovation comme méthodologie. C'est pour ça qu'ils appellent à ces gens-là et qu'ils critiquent les gens de la sunna. Et quelle belle parole que celle rapportée par Ibn Taymiyyah de Abu Uthman al-Nisaburi qui l'a dit, celui qui s'est investi de la sunna en parole et en action aura certes parlé avec sagesse. Et celui qui s'est investi de la passion en parole et en action aura certes parlé avec innovation. Fin de citation, c'est une traduction littérale de la parole de l'imam Nisaburi, rahimahullah. Cheikh il dit, « Qultu, sadaqa wallah, fima qala, falou kanat sunnatu hakimatan ala ulaik al-wasifin, ma kana l'mubtadi'ati d'ullal, an turawwaja kutubuhum, da'watan ila ta'alluq bihim, wa raf'an li sha'anihim, wa makanatihim, wa intihaji afkarihim l'munharifa, wa hata ta'lama ayyuhal muslim, أنه لكل قوم وارث وأن مروجة فكر الغزالي وأمثاله لهم سلف من المبتدعة يسيرون على منوالهم ننقل لك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أولئك السلف الضال. شيخ الدي جدي par Allah il certes a dit vrai ou il certes dit vrai, car si la sunna a été prise comme juge, hein, à propos des les livres des innovateurs ne pourraient pas être propagés, et ce en guise d'appel à se lier à eux, à s'accrocher à eux, et afin d'élever leur statut, leur position, et de prendre comme méthodologie leur pensée déviante. Et afin que tu saches, ô musulmans, que chaque peuple a des héritiers. C'est une expression en arabe, wa li kulli qawmin warif. Chaque personne ou chaque peuple a quoi, hein? A des héritiers. C'est-à-dire que les moubtadi'a d'avant, ils ont des héritiers qui sont les moubtadi'a d'aujourd'hui. Hein? Et les gens de la sunna d'avant, ils ont des héritiers qui sont les gens de la sunna d'aujourd'hui. Li kulli qawmin warif. Et afin que tu saches aux musulmans que chaque peuple a des héritiers, ceux qui propagent l'idéologie d'Al-Ghazali et de ses semblables ont des prédécesseurs parmi les innovateurs, dont ils sont sur les traces. Comme toi, tu es sur les traces des salaf, al-salih, eux sont sur les traces des salaf al-talih. Hein? Afin que tu saches cela, nous te rapportons une parole de Cheikh al-Islam Moultaymiya à propos de ses prédécesseurs égarés. Il dit dans son recueil de Fatawa, volume 12, page 467, وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. L'imam, ou Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit dans son recueil de fatwa, volume 12, page 467. En parallèle, bi-iza, du verbe aza en arabe, à ceux qui jugent mécréants de manière fausse, des gens qui ne connaissent pas la croyance d'Al-Sunna al-Jama'a, comme c'est obligatoire de la connaître, où ils en connaissent une partie et en ignorent une autre. Et ce qu'ils en connaissent, il se peut qu'ils ne le mettent pas en évidence, ils ne le clarifient pas aux gens. Mais de plus, ils le cachent. Et ils n'interdisent pas les innovations qui transgressent le Coran et la Sunna. Et ne blâment pas les gens de l'innovation et ne les punissent pas. Et peut-être même, écoutez ce qu'il va dire ici, et peut-être même qu'ils blâment le fait de parler de la Sunna et des fondements de la religion. De manière absolue, mutlaqan, dhamman mutlaqan, de manière absolue, sans restriction. Et ils ne font pas la différence entre ce qui a été indiqué par le Coran et la Sunna, le consensus, et ce que disent les gens de l'innovation et de la division. Regardez la fin, où ils approuvent tout le monde, alors que leurs voix sont différentes. Comment les savants dans le... Hein, comme les savants dans les points de la religion où l'effort d'interprétation est fourni, l'ijtihad, au sujet desquels il est possible de ne pas être d'accord. C'est-à-dire qu'ils font quoi? Ils traitent les gens de la sunna et les gens de la bid'a sur le même pied d'égalité. Hein, et ils traitent ce genre de masaïl-là comme quoi? Comme de masaïl où il peut avoir fait effort d'interprétation et quoi? Il est possible qu'il y ait, que les gens ne soient pas d'accord dessus. Ce que les ulama appellent masaïl la yasughu fiha l'ikhtilaf. Hein, ou bien masaïl l'ijtihad. Les points, il y a un effort d'interprétation qui est fait. On a déjà expliqué dans le livre de Cheikh Bezmoul, par exemple, eh bien, Cheikh Al-Albani dit que après le recours à l'inclinaison, quand tu reviens, où tu mets tes mains, hein, le long du corps. Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Taymi, nos autres savants, ils disent quoi? Tu les mets sur la poitrine, la main droite sur la main gauche. Tu reviens à l'asl, c'est-à-dire le hadith général. Hein? Évidemment, il n'y a pas une preuve spécifique. Alors, certains chiurs comme Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Taymi, ils reviennent à la preuve générale. Et d'autres, ils restent sur l'asl, comme Cheikh Al-Albani, il dit non, l'asl, c'est qu'on ne fait pas de mouvement, sauf sans preuve, donc on reste les mains le long du corps. Hein? Donc vous voyez que c'est, hein? Ici, on peut comprendre cela ou cela, à ce moment-là, parce qu'il y a un effort d'interprétation. Et bien, certains gens qui considèrent le Masail Menhajia comme ça. Hein? Est-ce que c'est juste de faire ça? Non, c'est pas juste, bien sûr. C'est ça qu'il est en train de dire le Ibn Taymiyyah ici. Il dit, cette voie est celle de beaucoup de murji'ah. Hein, vous connaissez l'irja? Irja dans la langue arabe, c'est al-ta'khir. Dans les silah chez les ulama, c'est ta'khir l'a'mal an musamma l'iman. C'est le fait de sortir les actions de la foi. Alors que la foi chez les gens de la sunna, c'est quoi? Qawlun, wa'amalun, wa'atiqad. Qui sait me rappeler les cinq nouns? Oh, je vois des frères, ils font, oh, ça fait longtemps, ça fait un an et demi, là, de... Qolum bil lisan, il a donné un nun, zid. Wa'atiqad bil janan, il a donné un deuxième. Wa'amal bil akran, il a donné un troisième. Yazidu bita'ati al-Rahman, wa yinqus bita'ati al-Shaytan. C'est ça les cinq nouns. C'est ça la croyance d'Ahl Sunna al-Jama'a. Les murji'a, ils disent que non, les actions, elles ne font pas partie de la foi. Et de certains mutafaqqiha, jurisconsultes, et des soufis, mutasawwifa, et des philosophes, mutafalsifa, comme la première est celle de beaucoup parmi les gens des passions et du kalam, al-ahwa ou al-kalam, la philosophie. Vous voyez que la philosophie chez les salafs, elle n'était pas, c'est pas une bonne chose. Et les deux voies sont déviantes et sortent, c'est-à-dire sont en dehors du Coran et de la Sunna. Et on va finir là-dessus, yarhamukullah, et on va finir là-dessus aujourd'hui, inshallah. Wa barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum, wallahu a'lam, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.